Les auditeurs de la radio Isanganiro, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée de ce vendredi, dont voici les principaux titres. Les gouverneurs des provinces du pays et le maire de la ville de Bujumbura sont appelés à identifier les sites déplacés internes dans le but de mettre en application la politique nationale de réintégration de ces derniers. Cela ressort d'une correspondance du ministère de l'Intérieur adressée à ses administratifs. Les relations entre le Burundi et l'Union européenne vont être redynamisées. Promesse émanant d'une audience de ce jeudi entre le Premier ministre burundi et l'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi. Et en province Rumonge, à Rutumo, une personne est morte ce vendredi à cause d'un hippopotame qui s'est présenté sur le lieu. Voilà pour les titres. Vestine Boutoué, suis à la présentation. Innocent Bonimana sur la mise en onde. Encore une fois, bienvenue. La radio de l'avenir. Rebonjour, le Burundi compte redynamiser ses relations avec l'Union européenne pour la levée des sanctions prises à l'endroit du pays. C'est ce qui ressort d'une audience entre le Premier ministre burundais et l'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi ce jeudi. Claude Bochu a indiqué que des projets qui étaient suspendus vont redémarrer. On l'écoute. Avec le Premier ministre, nous avons fait un bref tour d'horizon des nombreuses actions de la coopération Burundi-Union européenne et des projets et programmes financés par l'Union européenne au Burundi, passé, présent et à venir, je dirais. Donc c'est quand même l'essentiel de notre entretien à porter là-dessus. Je mentionnerai en particulier parmi les dossiers qui vont aboutir très prochainement, c'est la requalification, la réhabilitation de la route nationale numéro 4 qui permet de renouer donc des liens plus intenses entre Bujumbura et la RDC. Bientôt, il y aura un événement de lancement. Donc ça, c'est un gros projet quand même qui nous a occupé un moment. Il y en a d'autres, et notamment le barrage à Jijimilembe, où là, les travaux viennent de commencer. C'est un partenariat avec la Banque mondiale. Voilà. Bon, je ne sais pas, pour vous donner une idée, parce que des fois on me demande ça, mais pour vous donner une idée, ce que l'Union européenne a fait ici, par ailleurs, dans le passé, par exemple, on a quand même permis le bitumage de plus de 250 km de route et 180 km de piste. Il y a un certain nombre de réalisations dans le domaine de la santé et de l'éducation. Plus récemment, nous nous sommes orientés davantage vers l'appui à la nutrition, à la résilience des populations, en particulier en milieu rural. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire rappelle les gouverneurs des provinces et le maire de la ville de Bujumbura à identifier les sites des déplacés internes et rescapés des crimes de 1993 se trouvant sur le territoire de leur ressort. Cette identification s'inscrit dans le cadre de la mise en application de la politique nationale de réintégration des déplacés internes, selon la correspondance adressée au gouverneur des provinces et au maire de la ville de Bujumbura. Les détails avec Evariste Ndikumanyang. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et du Développement communautaire marque un pas dans la mise en œuvre de la politique nationale de villagisation en vue de rendre effective la stratégie nationale de réintégration des déplacés intérieurs. Dans une correspondance que le ministre Gervais Ndirakobucha a adressée au gouverneur des provinces et au maire de la ville de Bujumbura le 8 septembre de cette année, il leur appelle à identifier les sites de déplacés situés sur les domaines de l'État et élaborer un plan d'intégration d'autres ménages afin de les transformer en villages. Cette correspondance appelle également à identifier les sites des déplacés situés dans les propriétés privées des particuliers et proposer une stratégie de gestion des sites des déplacés situés dans les propriétés des privés afin de les transformer en villages de paix. Quant à la gestion, de déterminer le budget nécessaire pour ces activités, il recommande à ces autorités de mettre à contribution les ingénieurs communaux, tandis que le directeur général du développement local et le directeur général de l'administration du territoire sont priés de superviser cette activité très urgente. Merci, Everest Nzikobanyang. 50 hectares ont été attribués à l'État ce jeudi par la Commission des terres et autres biens dans la localité d'Omidoura, Rugomero, de la commune Rugomba, province de Chibitoke. Le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage indique que ces terres seront par après attribuées aux coopératives et les anciens occupants de ces terres, affirme qu'il les occupait depuis 1958 et qu'ils leur seront par conséquent difficile de nourrir leurs familles au moment où ils vivaient de ces propriétés. Alexine Dairagich. Ces 50 hectares qui ont été restitués à l'État par la Commission nationale des autres biens, ce jeudi se trouvent sur la colline Midoura Rugomero de la commune Rugombo. Au sein de la Commission Terre et autres biens, on indique que ces terres, bien avant, appartenaient à la compagnie de gérance du Coteau, Kogereko ainsi que par après, certains habitants en provenant d'autres provinces, autres que Chibitoke, ont occupé ces terres. Le représentant de la Commission nationale des autres biens à Chibitoke affirme qu'après leur implantation, ils ont commencé à y planter des bananes et des palmiers à huile. Il précise bien que pour le moment, l'État doit trouver des projets qu'il exécutera dans cette localité d'Omidoura Rugomero. Certaines personnes, parmi celles qui sont contraintes de quitter cette localité, affirment que certains occupé ces terres dans les années 1958, qu'en 1993, ils y ont quitté pour s'installer dans des zones sécurisées près du chef-lieu de la commune Rugombo. Ces personnes indiquent qu'ils ne savent pas sur quel pied danser au moment où ils vivaient suite à la production de ces terres. Le ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage, Dogui Derulema, qui a reçu au nom du gouvernement ces 50 hectares, a demandé à ses occupants de quitter ces terres directement et que ces mêmes terres seront attribués aux coopératives, tout en les demandant de s'organiser en association et d'exécuter des projets dans cette localité. Signalons que d'autres terres qui appartenaient à 36 personnes dans la localité de Ruhagarika de la commune Buganda ont été restituées à l'État ce jeudi, également par la Commission Terre et autres biens. Depuis Chibitoke, Alexine Dairagije, Radio Isanganiro. La politique de transformer les camps des déplacés en villages de paix, bonnet, il est réalisable. Félicien Ndou Burundi, président de la Commission nationale des terres et autres biens, CNTB en sigle, fait savoir qu'une fois la terre d'une personne est privée est utilisée pour le développement du pays, l'État donne une autre terre équivalente à celle de son propriétaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Il est 13h03 au studio de la radio Isanganiro. Le journal est continu. La cohabitation entre les rapatriés et les résidents sur les collines de la province Kirundo est bonne, affirmation du gouverneur de cette province au jeudi, lors de l'accueil du deuxième convoi des rapatriés venus du camp de Mahama au Rwanda. Albert Hatungimana indique que les administratifs de cette province et du nord du Burundi ont une recommandation d'apporter le soutien à ces Burundais rapatriés. En cas de besoin, des villages de paix peuvent être constitués, ajoute le gouverneur. Suivez-le. Nous avons bien accueilli ce mouvement de rapatriement. D'abord, la province Kirundo, c'est une province en grand retour. On estime pour les réfugiés du camp de Mahama au Rwanda, les natifs de Kirundo sont 60%. Nous avons d'abord organisé une réunion de tous les administratifs de tous les niveaux et les forces de l'ordre opérant ici à Kirundo et le comité mixte de sécurité a été associé dans la réunion. Lors de la réunion de sécurité qu'on a organisée il y a une semaine, nous avons traité la question de l'accueil, de l'insertion et de l'accompagnement des rapatriés sur leurs collines d'origine. Les administratifs ont été sensibilisés sur le bon accueil, surtout en matière de résolution pacifique des conflits qui pourront être des problèmes liés à la cohabitation, des problèmes de terre. Nous avons recommandé aux administratifs à la base qu'ils résolvent ce qui est possible pour leur niveau. Ce qui ne sera pas possible, il faudra amener la question au chef de zone. Si le chef de zone trouve que lui aussi, il lui est difficile de résoudre le problème de ses rapatriés, il faudra que la question soit amenée au niveau communal, puis le niveau communal va amener au niveau provincial. Et aussi pour une bonne insertion, nous envisageons les organiser en village et nous envisageons aussi les sensibiliser pour adhérer au mouvement coopératif. Comme ça, en village, ils vont être développés et comme ça, les rimeurs qui les ont poussés à quitter le Burundi, il n'y aura plus de rimeurs. Restons dans la même province où il est des fêtes de divers produits dont le riz et le sucre a été donné ce vendredi par la première dame Angéline Ndayishimiye au centre des Sœurs des Charités de Calcutta qui héberge des enfants orphelins et des vieilles femmes à Kirundo. La première dame lance un appel à tout Burundais se trouvant au pays ou à l'étranger de soutenir ce centre qui sert d'exemple dans des activités de charité. Abraham Safari. Ce centre des Sœurs de Charité de Calcutta, situé à Kanyinya, au centre de Kirundo, abrite 49 enfants avec leurs bonnes. Ces petits-enfants ont perdu leur maman lors de l'accouchement. À côté de ceci, il y a 40 vieilles femmes indigentes et tous habitent dans le même centre, comme nous l'a précisé Sœur Fideline, responsable de ce centre. Il y a également 28 jeunes filles indigentes qui sont en train d'être formées pour l'écriture et la lecture, mais ces dernières viennent le matin et rentrent dans les familles l'après-midi. À côté de ceci, Sœur Fideline nous a précisé qu'elles assistent des malades à l'hôpital qui n'ont pas de famille. C'est dans cette optique que la première dame a visité ce centre, muni d'une aide faite du riz, sucre, farine de maïs, du lait et des chaises en plastique. La première dame a remercié les Sœurs de Charité de Calcutta pour leur mission charitable et a profité de cette occasion pour interpeller tout Burundi se trouvant au Burundi ou à l'étranger de soutenir ce centre. Elle a fait un clin d'œil aux femmes qui ont perdu leur responsabilité de parents et a demandé à tout un chacun ayant un parent vieux ou vieille de lui faire du bien comme ils nous l'ont fait lors de notre enfance. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Certains membres de la mutuelle de la fonction publique de la commune Guiang en province de Bubanza se lamentent de la facturation des soins d'accouchement alors qu'auparavant c'était gratuit à l'hôpital Saint-Augustin de Guiang. Le médecin directeur de cet hôpital explique que si cela est arrivé pour un patient, ce sera une erreur de la caissière Spescaitas Kavanyan. Certaines femmes de Guiang en province de Bubanza, affiliées à la mutuelle de la fonction publique, se lamentent et disent que la mesure de l'accouchement gratuit n'est plus fonctionnelle à l'hôpital Saint-Augustin de Guiang dans cette province. Après l'accouchement, on présente à la femme une facture qu'elle doit régulariser avant de rentrer, comme elles le disent. Niyonsenga Fayida, c'est une femme qui a accouché en date du 5 septembre cette année, c'était samedi de la semaine passée. Le lendemain, quand elle voulait rentrer, la caissière lui a présenté une facture de 61 000 francs burundais, y compris 10 000 francs de la chambre, comme c'est visible dans un écrit qu'elle préparait pour porter plainte contre cet hôpital pour lui avoir ravi la gratuité des soins d'accouchement. Cette famille dit ne pas comprendre pourquoi cet hôpital a interrompu la mesure de l'accouchement gratuit pour les affiliés de la mutuelle selon le même document. Et ce jeudi, l'hôpital a remis à cette famille le montant qu'elle avait payé, comme nous l'a affirmé le chef de famille ce vendredi matin. Une autre femme, Dusenge Jacqueline, a accouché en date du 2 septembre. On lui a fait payer 35 000 francs burundais et des informations en provenance de cet établissement sanitaire indiquent que l'accouchement par césarienne peut coûter encore cher, jusqu'à 300 000 francs burundais. Le médecin directeur de l'hôpital Saint-Augustin de Guiang explique qu'il s'agit d'une erreur commise par la caissière qui n'a pas su ce qu'elle devait faire. Docteur Anise Nduimana précise que l'accouchement reste gratuit. Space Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Space Caritas Kabanyana. 6 personnes ont été tuées, 2 autres blessées, une autre porte disparue, ainsi que 2 vivres pillés dans des boutiques. C'était dans une attaque opérée par un groupe d'hommes armés la nuit de ce jeudi sur la colline Nyarumanga, en commune Matongo de la province de Kayanza. Selon l'administrateur de la commune de Matongo, cet incident s'est produit aux environs de 20 heures. Information confirmée par le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Et quant à cet administrateur de la commune Matongo, Alice Nsabiyumva, il est fait savoir qu'il a déjà informé cette situation responsable des forces de défense et de sécurité afin de renforcer la sécurité dans cette localité. Il demande à la population de donner des informations relatives à la sécurité aux autorités habilitées chaque fois qu'elles doutent de leur sécurité. Une personne est morte et une autre est grièvement blessée à cause d'un hippopotame survenu ce vendredi matin à Rutumo, en commune et province Rumonge. Les familles des victimes et l'administration locale parlent d'un sauvage qui terrorise la population de la localité et fait une deuxième victime, mais à moins de 2 mois. Selon eux, cet animal devrait être tué et au niveau de l'OBPI Rumonge, l'on informe que c'est une mesure qui viendra de la hiérarchie supérieure. Près de 20 sacs d'épargne qui s'élèvent autour de 100 000 ont été saisis la nuit du 9 de ce mois dans le quartier Kajaga, selon Pierre Ngouri, qui est porte-parole du ministère de la Sécurité dans ses attributions. Les auteurs de ce forfait sont 6 policiers et une femme civile et propriétaire de ces épargnes. Il ajoute que ces policiers sont désormais révoqués dans leurs fonctions. Pierre Mouliquier invite les administratifs, surtout les provinces et communes frontalières, de doubler la vigilance afin de lutter contre la fraude. Suivez-le. À Kajaga, c'est dans la commune de Mutimbuzi, dans la province de Bujumbura. Vers 3h45, la police a appréhendé des criminels fraudeurs au nombre de 7, parmi lesquels 5 policiers et une femme civile qui était le propriétaire de la fraude. Et sur ces criminels, la police a saisi à bord d'un véhicule de police, parce qu'il y avait des policiers. Et la police a saisi 19 sacs contenant d'épargne aux environs de 1000 épargnes. La police a également saisi ce véhicule pour des réseaux d'enquête. Et policiers ont été appréhendés en flagrant délit. Avec cette fraude, sont à partir de maintenant révoqués définitivement du corps de la police nationale du Burundi. Et ceci en application de la politique de tolérance zéro contre la corruption qui a été annoncée par le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Ces derniers jours, les gens pensaient qu'il y aurait eu relâchement dans ce combat contre la corruption. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ce cas de fraude vient encore une fois de l'illustrer. Nous informons le public que le combat contre la corruption, le combat contre la fraude, c'est un combat qui est continu et qui concerne tout le monde. Et le message du ministère qui est consécutif à ce cas, ici, le ministère invite l'administration et les gouverneurs des provinces, les administrateurs communaux, particulièrement ceux-là qui sont à la tête des circonscriptions frontalières avec les pays voisins où vont ces produits de fraude. L'appel est également lancé à la police, spécialement celle de ces localités, de redoubler de vigilance et de sévir contre toute tentative de ce genre de fraude. Audace Niyonzima, commissaire général de l'Office burundais des recettes OBR en sigle, se réjouit de la synergie qui s'observe dans la lutte contre la fraude. Toutefois, il demande à la justice d'appliquer la loi surtout à des personnes aux récalcitrants. Le redéploiement des enseignants, la manipulation des résultats scolaires en dehors de la loi sont certains des obstacles à la valorisation de la carrière enseignante au Burundi. Dans une conférence débat organisée ce jeudi par le syndicat des travailleurs de l'enseignement STEB, Emmanuel Machandali demande à l'État de continuer à chercher la solution à ces problèmes. Les détails avec Jean Dodieu et la cause. Dans cette conférence débat organisée pour les enseignants rassemblés au sein du syndicat des travailleurs de l'enseignement STEB, les participants ont émis les défis qui hantent la valorisation de la carrière enseignante au Burundi. Celui-ci se demande si l'orientation dans le poste fondamental n'est pas classement. Orientation des enfants de 9e, qui à mon avis n'est même pas une orientation mais un placement. Il y a des sections dites non stratégiques, on dirait délaissés par le ministère. Ils n'ont pas droit à l'internat quand ils vont orienter dans la section langue ou dans la section SSH. Et notre participant demande où on en est avec la question de redéploiement. Machandal Emmanuel, conférencier du jour, a répondu suivre de près la question. Ce que nous faisons est de rappeler. Nous avons demandé une rencontre avec l'actuel ministre pour que cette question soit parmi celles à discuter avec lui. La rencontre n'a pas encore eu lieu. Nous continuons à réclamer pour éviter l'injustice. Quant aux défis liés aux enseignants qui manipulent les résultats en exigeant des faveurs sexuelles et ou de pont de vin de la part de leur apprenant, le conférencier a répondu que pour mettre fin à cette pratique, les efforts de tout un chacun sont nécessaires. Dans cette conférence débat a été présenté aussi le défi lié à la couverture des abus par les responsables scolaires ou territoriaux. Le président de la République du Burundi met en garde les enseignants qui sont méconduits en infligeant aux élèves les actes sexuels. Évariste Ndayishimiye précise que doter les enseignants n'ont plus de place dans un gouvernement dit laborieux et que ces derniers vont être poursuivis et traduits en justice. Il a dit ce jeudi quand il s'était rendu en zone Magué de la commune Mubimba, province de Bujumbura, pour présenter le nouveau gouverneur de cette province à la population de cette localité. Suivez-le, traduit en français par Emir Jani Omour. Ikintu cyitwa ubumwe dutegereza ikomeza tugira urunani mu bikorwa by'iterambere twubaka igihugu cyacu ntigize gisubire gusambuka. Nezerewe cyane no. Nous devons consolider l'unité pour le développement du pays. Je suis très ravi de voir les Burundais s'atteler déjà au travail. Ils ont déjà compris que notre pays a besoin d'être toujours construit. Du reste, il y a encore des gens mal intentionnés et ceux-ci doivent changer. Nous devons les convertir. S'ils refusent, nous allons leur tracer une ligne rouge. Nous venons de vous confier, vous les enseignants, tous nos enfants, tout en sachant que vous portez l'image d'un vrai parent qui donne à l'enfant la sagesse et la connaissance. Il y a des enseignants, comparés aux brebis égarés, qui induisent leurs éduqués aux actes sexuels. Y aurait-il vraiment une trahison plus que celle-là? Un enseignant qui pousse son éduqué aux actes sexuels est synonyme d'un parent qui ferait un acte pareil. Que tout enseignant le comprenne bien, nous voulons que nos enfants reviennent à la fin du premier trimestre en état normal, comme des enfants qui rentrent de chez leur grand-père. Là, vous aurez à être primé. Convertissons-nous, que chaque enseignant prenne conscience que l'enfant doit avoir un bagage intellectuel suffisant à la fin de l'année scolaire et ça doit être un jeu de rôle. Mais aujourd'hui, au lieu d'enseigner convenablement nos enfants, les enseignants ont toujours un prétexte comme quoi ils ont un maigre salaire. Eh bien, si vous n'êtes pas satisfait de vos salaires, vaut mieux rendre le tablier au lieu de faire semblant d'enseigner alors que non, parce que c'est toi qui es responsable de l'éducation des enfants du pays. Ça doit être de même pour le secteur de la santé. Un infirmier qui passe toute une journée sans servir le pays qu'il a mandaté, l'État laborieux ne peut pas cautionner ça. Nous sommes dans un Nouveau Testament, il faut tourner la page. Évariste Ndayishimiye, le président de la République du Burundi. Le non-respect de la loi dans l'exercice du métier des avocats du Burundi est l'un des défis auxquels font face les avocats du barreau de Bujumbura. Jean Dodieu Muhuzenge, président de ce barreau, l'a déploré ce vendredi lors de l'ouverture de l'année judiciaire 2020-2021. Il demande à toute personne de respecter les avocats afin qu'ils travaillent dans la tranquillité. Ainsi s'achève cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci à Innocent Ibonimana pour sa collaboration technique. Festiné Outoué, j'étais à la présentation. Au revoir, bon après-midi.